Votre musique revient juste après ça sur RMC Gold. Vous écoutez RMC Gold. RMC Gold. Vous écoutez RMC Gold. Tous les tubes de ta vie. Sur RMC Gold. RMC Gold. Tous les tubes de ta vie.